Boum Boum Mot. Boum Boum Mot. Musique française. Des années 60 à 80. Nous sommes mercredi, il est 22h, vous êtes à l'écoute de Prune et c'est bien sûr l'heure de Boum Momo. C'est Jonas cette fois-ci qui vous accueille et j'ai le plaisir et l'avantage de recevoir Black Samouraï. Black Samouraï qui est un DJ qu'on connaît très bien à Boum Momo et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est déjà venu dans l'émission, il a même contribué à notre 200e podcast il y a 3 semaines et aussi parce qu'il est déjà venu à nos soirées Boum Momo. Et ouais, le feu et l'hystérie à bras de fer début 2019, c'était avec lui, si si, souvenez-vous-en. Black Samouraï donc, qui est un musicien, organisateur de concerts et DJ de camp. Il présente l'émission Dimanche Tendresse, tout un programme, de midi à 14h, tous les dimanches donc, chez nos confrères Canet de Radio 666. Quelque chose me dit qu'on doit bien apprécier Iron Maiden là-bas. Pour cette émission, Black Samouraï a beaucoup travaillé pour préparer un mix 100% 45 tours. Bombes en tout genre, raretés incroyables, disques restés sous les radars, morceaux jamais passés dans l'émission, du sur-mesure pour Boum Momo. Il était tellement content de ce travail et de ce mix qu'il en a enregistré un deuxième dans la foulée, avec des maxi cette fois, mais sans aucune préparation. Quelque chose d'un peu plus spontané et de plus personnel donc. Et devinez quoi ? La sélection de 45 tours reste au chaud dans son disque dur pour le moment, car c'est finalement ce deuxième mix que l'on va entendre ce soir. Et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Black Samouraï pour son deuxième passage à Boum Momo, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les petits loups. Thank you.

comme un derviche tourneur. Les amants ébouriffés par la danse du sacré tourment chantent au matin, prisonniers du destin. Te garder près de moi. Thank you. Le doucement sur ma veillée.